shortness of breath. Call ambulance. Tell my Wi-Fi. Error in judge. Man cut my life. No second chance. No guiding light. I never meant to cause you pain. I never thought I'd be the one who took the fall. I got lost in the moment. Assholes like to test the limit. 6 minutes down. Breathing machine. Brain not feel right. The look on you is killing me. Drowning in shame. But don't feel bad, 'cause I never feared consequences. Hate regrets more than apologies. A year has passed. Like photographs. My life is just a scrapbook of old friends and faded memories. Looks like I pulled the rug from under myself. The fall's too much for me to recover from. It's been real fun, but now I must say goodbye. I'll see you all at Okie Dogs. En effet, la région est propriétaire du port. Elle s'est empressée de venir faire la morale libérale aux bloqueurs. Interdiction d'entraver la circulation des marchandises. Le message était clair pour les pêcheurs qui résument « on est amené à disparaître, ils ne vont pas s'emmerder avec nous ». Et ils nous disent « si vous mourrez, ne faites pas trop de bruit ». Reste Frédéric Cuvillier, ancien maire de Boulogne-sur-Mer et actuel ministre de la Pêche. Soucieux de ménager sa popularité locale, il conduit une politique qui peut se résumer ainsi « expliquez ce dont vous avez besoin, je vous apprendrai à vous en passer. Kommst von deiner Braut total frustriert, denn dir ist wieder mal ein Ding passiert. Sie hat grad Schluss gemacht mit dir, denn du kriegst keinen mehr hoch bei ihr. Drum hörst du Potrock, du hörst Potrock, Potrock, du hörst Potrock, Potrock, du hörst Potrock. Potrock bringt dich wieder auf Kopf, denn Potrock nimmt dir alle Sorgen ab. Hör Potrock! Chef hat dich total fertig gemacht. Du denkst, Mann, diese Arbeit ist eine Qual. Und sagst dir, der kann mich mal. Und du hörst Potrock, du hörst Potrock, Potrock, du hörst Potrock, Potrock, du hörst Potrock. Potrock bringt dich wieder auf Kraft, denn Potrock nimmt dir alle Sorgen ab. Hör auf Potrock! Was die da spielen, ist der letzte Schrott. Drum hörst du diesen Scheiß da sein und ziehst dir eine Ladung Potrock rein. Potrock, Potrock, über alles auf der Welt. Potrock, Potrock, l'Europe y va de son grain de sel. La Commission nous fait faire n'importe quoi, explique Olivier Leprêtre, avant de commencer le listing de toutes les restrictions européennes. En premier lieu, les quotas qui visent à limiter les prises. Déclinaison nationale du taux admissible de capture, TAC, les quotas sont proposés par la Commission européenne et adoptés pour l'année suivante, par espèce, par stock et par zone. Au total, 35 espèces de poissons sont rationnées. À cela s'ajoutent des mesures complémentaires qui viennent réduire le nombre de bateaux et les zones de pêche. Cette année, 5 chaluts et 2 filayeurs vont être détruits, souligne Olivier Leprêtre. Thank you. Autre mesure, des bateaux scientifiques effectuent régulièrement des prélèvements pour comptabiliser la ressource. La zone de pêche peut être fermée pendant 15 jours en attendant qu'ils refassent des analyses, note Thierry. De cette gestion découlent des aberrations. Ça nous arrive de rejeter une bonne pêche à la mer car la zone est soudainement déclarée interdite. Les pêcheurs ne doivent pas dépasser 20% de cabillaud dans un filet. Le surplus est rejeté à la mer. Pareil si le poisson capturé est trop petit. Mais le poisson rejeté à la mer est souvent déjà mort et ne permet pas la reconstitution des stocks halieutiques. Thank you. Les autorités européennes vont plus loin. La Commission a mis au point la dernière arme pour tuer la pêche, explique Olivier Leprêtre. C'est la politique du zéro rejet. Ramener tous les rejets à terre pour en faire de la farine à destination de l'aquaculture. On nous demande de ramener les rejets, mais on n'est pas payé pour ça. Moi, je ne connais personne qui accepte un travail supplémentaire sans être payé, avertit-il. Yeah. La gestion bureaucratique des activités de pêche génère une surveillance incessante en mer comme sur les quais. Taille des poissons capturés, taille des filets, quantité pêchée pour chaque espèce, tout est contrôlé. Les affaires maritimes de Boulogne, la marine nationale, la douane, la gendarmerie participent également à ce flicage global des marins. On est suivi tout le temps par satellite, on n'a pas intérêt à se tromper de zone, nous confie Thierry. C'est du harcèlement, on n'a plus la liberté de notre métier. Les services de contrôle, en plus des vérifications de terrain, reçoivent en temps réel les infos des bateaux. Aujourd'hui, une cabine de pêcheur ressemble de plus en plus à un cockpit suréquipé. N'importe quel kidam peut même suivre en temps réel n'importe quel bateau en consultant le site internet marinetrafic.com. Thank you. Dans ce contexte, pas de surprise à voir le FN draguer sévère sur les quais. Marine Le Pen l'a bien compris en venant en décembre 2011 pour sa campagne présidentielle. Directeur du port et syndicat l'ont accueilli à bras ouverts et lui ont servi le café. Ce jour-là, un syndiqué de la CFDT s'adresse à elle. « Je suis très content de vous voir aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je suis très content. » C'est sur ce « je ne sais pas pourquoi » que le FN joue sa partition nauséabonde. Les vraies questions sont évitées, peu importe les nationalités, les petits pêcheurs sont tous dans le même bateau. Un bateau qui prend l'eau, lesté par les industriels et les politiques. Thank you. Yeah.

May God bless you, and we believe this next song here will really be the one that will again just bless your heart real good. Harbored feelings of hate and dislike for Jewish people, what we would call anti-Semitic feelings, denounce them. Israel is the apple of God's eye. You never get anywhere with those kind of feelings.

Wow.